La galerie par Léo Larguet. Monsieur Jean Orfeuille, critique d'art. Monsieur, je désirais avoir votre avis sur une vingtaine de toiles que je possède. Je serai chez moi demain soir à 6 heures. La lumière de cet instant convient mon Rembrandt et mes Claude Lorrain ont d'être peints à la fin d'une belle journée d'été. Puis-je vous attendre? C'est mon souhait le plus attaché. Georges Eluini. Jean Orfeuille, qui avait reçu cette lettre la veille, fut exact au rendez-vous. L'inconnu qui lui écrivait habitait au fond de Saint-Ouen. « Diable, dit-il, les chefs-d'œuvre sont mal logés. » La concierge à laquelle il s'adressa était en train de fesser un gros enfant qui braillait. « Il m'a filouté mon cognac, monsieur. Ce sera un ivrogne, comme son père. »« Monsieur Eluini, que vous dites ?»« Un joli monsieur. » »« Le hangar à droite, dans la cour. » Des chiffonniers devaient travailler là, après leur rafle matinal. Mais le soleil crépusculaire de juillet ne transfigurait pas cette pouillerie. Il y avait dans un coin des tas de choses cassées, des débris de débris, des bouts de tapis qui faisaient songer un Orient pestiféré. Jean Orfeuille, qu'on avait dérangé pour aller voir quelquefois des bateaux et des Rembrandts qui n'étaient que d'insignifiantes croûtes, se dit « Je suis roulé, tant pis. » Au milieu du hangar que la concierge l'avait désigné, il aperçut un homme au visage fin et ravagé. Il était en bras de chemise, il portait un chapeau de forme à bord plat sur des cheveux grisonnants de vieux rapin. « Monsieur Eluini, c'est moi. »« Monsieur Jean Orfeuille, le critique d'art sans doute. Veuillez entrer. »« Je me suis permis de vous écrire, monsieur, parce que j'ai lu de vous une étude sur le poussin qui m'a ravi. » Il fit le geste de chasser d'invisibles mouches. La grange sinistre était meublée d'une caisse, d'un canapé en pierre encombré de hardes et d'une voiture à bras. « C'est un fou, » pensa Jean Orfeuille. « J'aurais dû me méfier. Des Rembrandts et des Claude Lorrain à Saint-Ouen. « Excusez-moi, » dit-il, « je suis pressé. J'ai voulu être exact parce que vous m'attendiez. C'est juste, » fit l'homme. « Il n'y a que la peinture sur terre. Voilà. » Il montra une douzaine de cadres vides accrochés à la muraille malade. « D'abord, la féerie des lumières mourantes, » commença-t-il. « Claude Lorrain. Des couchants maritimes, des ports où s'ancrent des navires aux pavois vermeils, des escaliers de marbre sous une eau d'argent bleu, des palais aux façades cuites par les feux des plus somptueux soleils. Voici un songe gris perle de coraux. Ce n'est qu'un adorable frisson virgilien, passons. Il y a une présence, les dieux. Voici un visage de femme, Paul Rubens, le maître des apothéoses. Admirez cette ampleur souveraine et cette grâce enfantine. La fraîcheur ingénue d'une petite fille s'unit ici à la robustesse d'une déesse épanouie. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer. Je ne suis pas l'avis du grand poète. Les femmes du maître sont pour des amours superbes des dieux. Celui-là, c'est l'immense lyrique. Il n'est à son aise qu'au sommet de l'aude. « Ici, monsieur, je ne dirai rien. Il faudra des mots qui n'existent pas, des mots inventés. Est-ce de la peinture ou de la sorcellerie, de l'art ou de la cabale ?» Jean Orfeuille regarda le fou à la dérobée, ayant l'impression que cet homme, qui parlait avec tant d'amour des vieux peintres, se moquait de lui. La concierge qui passait dans la cour toucha son front du bout de son index et le gouailla. « Vous voulez donc vendre vos cadres, père Eluini? Je croyais que vous les gardiez pour le musée. C'est qu'ils en valent la peine. » « J'ai essayé de lui faire comprendre, » murmura le malheureux, « mais elle ne peut pas. » Il ôta du mur un cadre vide, une mauvaise baguette Louis-Philippe, de l'or écaillé montrait le plâtre, et il continua. « On m'a offert déjà 1 million de ce Rembrandt, mais je ne consentirai jamais. L'alchimiste a trouvé ici la pierre philosophale. Le magistère suprême. Et qu'est-ce qu'un pauvre million à côté de cela? Vous m'approuvez entièrement, n'est-ce pas? D'ailleurs, depuis que vous êtes là, je sens que je possède un ami sûr. Un ami qui partage tous mes goûts. C'est une chose si rare dans la vie. Permettez-moi de marquer cette minute miraculeuse et prenez, monsieur, en souvenir cette petite chose. Ce n'est rien, sans doute, un bras de femme à la sanguine par bateau. Ce n'est rien. Mais le Louvre payerait cher cette feuille. Il lui tendit un bout de carton et la visite achevée, il reconduisit cérémonieusement Jean Aufeuille jusqu'à la loge de la concierge. Le critique d'art qui me conta quelques jours après cette histoire en était demeuré tout ému. « Cela me trouble encore, » me dit-il. « Personne n'a jamais parlé devant moi des peintres et de leurs œuvres avec l'amour intelligent de ce fou. Il voyait certainement ce qu'il décrivait et commentait avec tant de maîtrise. Je songeais en l'écoutant à ce chef-d'œuvre de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Je pensais à Monticelli répondant à un visiteur qui lui conseillait d'ôter de sa croisée une loque souillée où il essuyait ses couteaux et sa palette. « Eh, monsieur, ne voyez-vous pas que c'est la voile d'Hamlet entrant au port de Famagouste ?» Jean Aufeuille me montra le carton que lui avait donné le fou. C'était un carton barré d'un trait rouge. « Je n'ose pas le jeter, » me dit-il. « Il me semble qu'il y a là une sanguine mystérieuse que je ne suis pas capable de voir. » C'était à la galerie, par Léo Larguet.